Section numéro 7 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2, deuxième partie. Grégoire VII et la réforme de l'Église. L'élection de Grégoire VII. Hildebrand triomphait. C'était lui qui créait les papes. Aucune autorité dans l'Église n'était supérieure à la sienne. « Je vénère le pape », lui écrivait ironiquement Pierre Damien, « mais toi, je me prosterne pour t'adorer. Tu le fais maître, mais il te fait Dieu. Papam rite colo, sed te prostratus adoro. Tu facis unc dominum, te facit ipse deum. » Et, se plaignant de son énergie inflexible et rude, de son ambition, il l'appelait son saint Satan. Déjà, la tyrannie de Hildebrand sur l'Église inquiétait celui qui avait, avec le plus de passion, réclamé des réformes. Pierre Damien mourut en 1072. L'année suivante, au mois d'avril, Hildebrand était élu pape. Il prenait en main ce pouvoir pontifical que, depuis bien des années, il exerçait sous le nom d'autrui. Son élection n'eut pas lieu conformément au décret de 1059 dont il avait été l'inspirateur. Le lendemain même de la mort d'Alexandre II, le peuple, réuni dans l'église de Saint-Jean de Latran, écrit « Que Hildebrand soit notre évêque ». Le cardinal Hugues Leblanc se tourne alors vers la foule. « Frère, dit-il, vous savez comment, depuis le temps de Léon IX, Hildebrand a élevé l'église romaine et a franchi notre ville. Nous ne saurions trouver un pape qui soit meilleur ou qui m'aime l'égal. Il faut donc l'élire, lui, qui, consacré dans notre église, y est connu de tous et y a fait ses preuves. De toutes parts, on répond, Saint-Pierre a choisi Grégoire pour pape. On entraîne Hildebrand à l'église de Saint-Pierre-Eslien et on procède à son intronisation malgré sa résistance. Ainsi s'ouvre ce pontificat qui, dans l'histoire religieuse et politique, marque le commencement d'une période nouvelle. Si, du milieu des événements dramatiques qui le remplissent, on cherche à en dégager des caractères généraux, deux faits essentiels le dominent. Grégoire VII a voulu réorganiser l'Église universelle en la soumettant à l'autorité absolue de la papauté. Il a voulu l'affranchir de la société laïque et de l'influence des empereurs et des rois. Les deux parties de cette œuvre sont étroitement unies. Il est utile, cependant, pour introduire plus d'ordre dans cette étude, de les examiner l'une après l'autre. La papauté est le gouvernement de l'Église. Dans les premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne présentait l'aspect de communauté dont les chefs étaient nommés par le suffrage des fidèles et qui étaient reliés entre elles par des relations continues. De bonne heure, au sein de cette organisation, s'était accusée la prééminence de l'Église romaine. Elle avait ses origines dans des causes à la fois religieuses et politiques. Depuis le Ve siècle, toutes les circonstances avaient contribué à l'accroissement de ce pouvoir. Si, au IXe et au Xe siècle, les désordres de la papauté, les entreprises des barons romains, l'intervention des empereurs l'avaient singulièrement affaibli dans la pratique, en théorie, le pape restait le chef de la chrétienté. Néanmoins, l'autorité du pape dans l'Église n'avait jamais été regardée comme absolue. Elle trouvait autant de contrepoids dans diverses institutions, les conciles, les patriarches et métropolitains, les évêques. Le rôle des conciles avait été considérable dans les temps d'organisation et de crise qui avaient traversé la société chrétienne au sortir des persécutions. Les conciles œcuméniques de Nicée, de Sardie, d'Éphèse, de Chalcédoine, etc., avaient travaillé à régler l'administration et la discipline, ainsi qu'à fixer le dogme, bien qu'on eût vu plus d'une fois combien il était difficile de faire régner dans ces grandes assemblées l'esprit de paix et de concorde. Le pape ou ses représentants y occupait la première place, les décisions du concile étaient soumises à son approbation, mais les membres discutaient librement. Peu à peu, l'autorité des conciles diminua. Il n'y avait plus eu de concile œcuménique depuis 869. L'action des conciles régionaux et des synodes provinciaux n'était que relative et locale. Ceux que le pape convoquait à Rome subissaient sa domination. C'était donc une institution qui avait perdu une grande partie de son ancienne vitalité, et qu'un pape énergique pouvait plier à l'accomplissement de ses desseins. Autrefois, au-dessous du pape, les patriarches d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche, et plus tard l'évêque de Constantinople, avaient occupé dans l'Église une place importante. Mais parmi eux, trois, isolés maintenant au milieu des infidèles, conservaient à grand-peine une existence précaire, et ne pouvaient plus songer à aucun rôle général. Quant aux évêques de Constantinople, ils avaient été souvent les adversaires acharnés de la papauté, mais l'indépendance leur manquait. Placés à côté de l'empereur d'Orient, sous le coup d'une déposition s'ils lui résistaient, ils étaient incapables d'exercer une action supérieure sur le monde chrétien. D'ailleurs, l'hostilité qui depuis bien des siècles existait entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident avait séparé leurs destinées. Quand Hildebrande devint pape, le schisme était accompli. 1054. En Occident, les métropolitains avaient joui d'une grande autorité et gouverné leurs évêques suffragants. Mais dès le IXe siècle, attaqués par la papauté et notamment par Nicolas Ier d'une part, de l'autre par les évêques, ils avaient perdu la plus grande partie de leurs prérogatives et de leur action. Les évêques, enfin, loin de dominer la société et de la diriger, comme au IVe et au Ve siècle, étaient entrés de plus en plus dans l'organisation séculière et féodale. La plupart étaient devenus de riches seigneurs, préoccupés avant tout de leur intérêt matériel. Ils avaient pris l'esprit violent et les mœurs grossières des barons et dépouillé presque complètement leur caractère spirituel. Leur conduite était souvent un objet de scandale pour toutes les âmes religieuses. Donc, à l'intérieur de l'Église, aucun pouvoir n'était assez fort pour faire équilibre à la papauté le jour où elle revendiquerait le gouvernement absolu. En outre, elle avait l'avantage de trouver toute prête une armée formidable, recrutée dans la partie la plus pure et la plus vivante du clergé. Tous ceux qui, depuis bien des années, réclamaient avec tant d'ardeur la réforme, devaient se grouper autour d'elle et accepter sa direction. En travaillant pour l'Église, la papauté travaillait pour elle-même. Leurs intérêts se confondaient dans l'esprit de Grégoire VII, et, si son ambition était grande, elle était sincèrement religieuse. « Je voudrais que tu saches, écrivait-il en janvier 1075 à l'abbé de Cluny, toutes les angoisses qui assiègent mon âme. Ton amour fraternel te ferait alors demander à Dieu que Jésus voulut bien me donner la main, à moi, misérable, et me délivrer de mes peines. Voici déjà souvent que je lui demande de m'enlever la vie ou de me rendre utile à notre mère la Sainte Église, et cependant, il ne m'a pas arraché à mes afflictions, et il ne m'a pas non plus permis de rendre à l'Église les services que je voudrais lui rendre. Une douleur profonde et une tristesse universelle m'étreignent, car l'Église d'Orient, poussée par le diable, s'est écartée de la foi catholique. Si je regarde du côté de l'Ouest, du Midi ou du Nord, c'est à peine si je trouve quelques évêques dont l'élévation à l'épiscopat et la vie soient conformes aux lois de l'Église, qui gouvernent le peuple de Dieu avec amour et non sous l'influence d'une ambition terrestre. Parmi les princes, je n'en connais pas qui préfèrent l'honneur de Dieu au leur et la justice au lucre. Si je n'espérais pas que ma vie changera, que je ne pourrais me rendre utile à l'Église, à aucun prix, je ne resterai à Rome que j'habite depuis 20 ans, Dieu m'en est témoin, malgré moi. Le choix des évêques. De toutes les réformes que demandaient les esprits religieux, la première était celle de l'épiscopat. On verra plus loin comment Grégoire VII voulut l'arracher au roi et au prince en supprimant l'investiture par les laïcs. Pour atteindre son but, il eut même au besoin sacrifié les biens temporels. Mieux valait, selon lui, y renoncer que faire acte de subordination aux puissances terrestres, et il préférait l'Église pauvre mais indépendante. Il fallait aussi réformer l'épiscopat dans ses membres, en les choisissant mieux. Les élections épiscopales n'existaient plus que de nom. Le système des investitures laïques avait conduit à la vente des dignités ecclésiastiques, à la simonie. Grégoire VII combat les investitures laïques, mais en ce qui concerne les élections, il ne tente pas une transformation radicale comme celle qu'il avait accomplie pour l'élection pontificale. Après lui seulement, le choix des évêques sera attribué au chapitre des chanoines, comme celui du pape a été attribué au collège des cardinaux. Le principe ancien de l'élection par le clergé et par le peuple subsiste donc, mais le pape exerce un droit de surveillance et d'approbation. Quelquefois même, il désigne les candidats ou casse les élections. Il envoie souvent des légats pour les diriger. Il recommande aux fidèles de les écouter avec une confiance sans réserve. Cette conception du rôle du pape entraînait, par un corollaire naturel, le droit de déposer les évêques indignes. Grégoire VII l'a formulé dans les Dictatus et il l'a appliqué. D'ailleurs, les papes l'exerçait déjà avec le concours des synodes romains. Dès qu'avait commencé l'œuvre de réforme, Léon IX, dans un synode de 1049, avait prononcé la déposition de tous les évêques simoniaques. Même, il avait voulu y joindre celle de tous les prêtres ordonnés par eux, mesure excessive et à laquelle il dut renoncer. La réforme des mœurs du clergé. De bonne heure, la tradition s'était établie en Occident que les clercs ne devraient point se marier, que ceux qui s'étaient mariés avant leur ordination devaient rompre tout commerce charnel avec leurs femmes. Mais, comme le clergé se recrutait souvent en dehors de toute préoccupation religieuse, une effroyable corruption y avait pénétré. Il faut lire, pour s'en faire une idée, les actes des conciles et des synodes du Xe et du XIe siècle, les préloquias de Raterius de Vérone, les écrits de Pierre Damien et notamment le Liber Gomorianus qu'il adressa à Léon IX. Ceux qui s'abstenaient, des plus honteux des ordres du moins, se mariaient. Au vu de tous, des évêques prenaient femme. C'était l'épiscopissa. Ils avaient des enfants et leur clergé les imitait. Si les papes, dont Hildebrand fut le conseiller, si lui-même ont lutté avec tant d'énergie pour imposer le célibat ecclésiastique, il ne faudrait pas croire qu'ils se sont inspirés de préoccupations exclusivement ascétiques. Avant tout, ils combattent la cupidité des biens terrestres, l'invasion de l'esprit féodal. Souvent, une pensée de lucre décide ces unions. Sous l'empire des idées de famille, les charges ecclésiastiques se transforment en biens, en bénéfices, qu'on cherche à transmettre à ses enfants. Auprès de l'évêque et du prêtre, que deviendrait l'autorité du pape, telle que veut l'établir Grégoire VII, si elle est sans cesse menacée par l'action de la femme, par les préoccupations de l'amour paternel? L'Église, écrivait-il, ne peut pas être affranchie de la servitude des laïcs si les clercs ne sont pas affranchis du mariage. De là cette prohibition du mariage, si souvent répétée dans les synodes de ce temps et dans les lettres de Grégoire VII. La lutte fut longue et, sur bien des points, la résistance acharnée. On peut citer comme exemple ce qui se passa à Milan. Lorsque Hildebrand commençait son œuvre, le mariage des prêtres, disait l'archevêque, était pour l'église de Milan un privilège qu'elle tenait de saint Ambroise. Et un des chroniqueurs de ce temps, Landulphe le Vieux, dans son Historia Mediolanensis, y trouvait la meilleure garantie des bonnes mœurs. Contre ce clergé simoniaque et marié, s'éleva un prêtre, Anselme de Baggio, dont l'éloquence exerçait une grande influence sur le peuple. Il devint plus tard le pape Alexandre II. Uni à deux autres clercs, Ariade et Landulphe, il attaque l'archevêque Guido lui-même, prêchant partout, dans les rues, sur les places publiques. La plèbe est avec eux, d'où le nom de patarins ou d'éguenillés qu'on donne à leurs partisans. Milan est troublé par les émeutes et les combats. Les patarins poursuivent les clercs mariés, pillent leurs biens. La condamnation que prononce contre eux un synode convoqué par l'archevêque, l'appui que la noblesse prête au clergé ne les arrête pas. En 1059, Nicolas II envoie à Milan Pierre Damien pour rétablir la paix. Nous avons la relation de sa mission. On y voit que l'intervention pontificale donna à la lutte un caractère tout nouveau. Les adversaires des réformes déclaraient que l'église de saint Ambroise ne devait pas être soumise aux lois de Rome, que le pape n'avait pas de juridiction sur elle. Pierre Damien fut menacé de mort, mais tint tête à l'orage. Sous Alexandre II, les troubles recommencèrent. En 1066, l'archevêque Guido, attaqué dans l'église par les patarins, fut laissé à demi-mort, mais leur chef, Ariade, tombé entre les mains de ses ennemis, succomba à d'effroyables tortures. Bientôt, on vit à Milan deux archevêques aux prises, l'un s'appuyant sur l'Allemagne, l'autre sur la papauté. En dehors de l'Italie, le célibat ecclésiastique soulève de pareilles émeutes. À Passau, en 1074, l'évêque Altmann veut faire observer à ses clercs, presque tous mariés, les décrétales de Grégoire VII à ce sujet. Il déclare qu'ils ne peuvent ni ne veulent abandonner une tradition qui subsistait depuis longtemps et qui avait été tolérée par tous les anciens évêques. Comme Altmann, un jour de fête, réitère ses défenses du haut de la chaire, tous les clercs se précipitent sur lui avec une telle furie qu'il l'aurait coupé en morceaux si les nobles et ses serviteurs ne l'avaient protégé. À Paris, la même année, les évêques, les abbés et les clercs, réunis en synode, refusent d'obéir au décret de Grégoire VII sur le célibat. « Ce qu'il veut, disent-ils, est inacceptable et contraire à la raison. » Un abbé ayant parlé pour recommander l'obéissance au pape, les membres du synode, avec le secours des serviteurs du roi, chassèrent l'homme de Dieu, le battirent, lui crachèrent à la face, le maltraitèrent de toute façon. À Cambrai, les chanoines déclarent qu'ils garderont les usages qui ont été sagement établis par l'indulgence de leur père, et ils gagnent le peuple à leur cause. Ces émeutes furent impuissantes à briser la volonté de Grégoire VII, et le célibat ecclésiastique fut un des principes essentiels de l'Église réorganisée. Les cardinaux et les légats. Pour triompher de tant de résistance, pour faire sentir sur tous les points de la chrétienté l'influence pontificale, l'activité de Grégoire VII est son principal moyen de gouvernement. Sa pensée est toujours en éveil, son esprit toujours net, sa volonté toujours prompte. Sa correspondance, dont nous n'avons qu'une partie, le montre poursuivant à la fois, sans trouble, sans confusion, les affaires les plus diverses. Cependant, il ne saurait suffire à cette tâche, et la cour romaine, Curia Romana, dont l'organisation était déjà compliquée, s'accroît et étend ses attributions. Le collège des cardinaux, auquel il a fait confier l'élection des papes, prend une importance extraordinaire. Toutes les églises avaient eu leurs clercs cardinaux, et il en était encore ainsi au XIe siècle, dans un certain nombre de villes. À Rome, ils étaient attachés aux sept titres, ou églises, qui correspondaient à la division fort ancienne de la ville en sept régions ecclésiastiques. Aux cardinaux prêtres et aux cardinaux diacres s'ajoutèrent ensuite sept cardinaux évêques. C'étaient ceux de la campagne romaine, d'où leur nom de suburbicaires, qui, d'après un synode romain de 769, devaient chaque semaine officier à tour de rôle dans l'église de Latran. Déjà, ce clergé privilégié avait une importance spéciale, puisque ce même synode avait cherché à établir que le pape devait toujours être choisi dans son sein. Le nombre des cardinaux a souvent varié au Moyen Âge. Au XIIe siècle, pour lequel on a des indications plus précises, il se composa de sept cardinaux évêques, Ostie, Porto, Santa Rufina ou Silvia Candida, Albano, Sabine, Tusculum, Palestrine. 28 cardinaux prêtres, 18 cardinaux diacres. Le décret de 1059 leur avait confié en quelque sorte les destinées de la papauté. Grégoire VII fit d'eux ses conseillers et ses collaborateurs. Pierre Damien les appelle les sénateurs spirituels de l'Église universelle, Spirituales Universalis Ecclesiae Senatores. La cour romaine constitue l'administration centrale, mais il faut à la papauté dans les provinces du monde chrétien des lieutenants dévoués qui fassent partout sentir son action, contraignent à l'exécution de ses ordres et surveillent les évêques et les églises. L'institution n'est pas nouvelle. Depuis le IVe siècle, il est sans cesse question de légats pontificaux. Ils siègent au premier rang dans les conciles, convoquent, président des synodes régionaux. Ce sont tantôt des évêques, tantôt de simples prêtres de l'Église romaine. Mais, avant Grégoire VII, les légats apparaissent plutôt comme des délégués extraordinaires. Avec lui, ils deviennent un des organes essentiels du gouvernement de l'Église. Ils vont partout, se mêlent de tout, déposent les évêques, réforment la discipline, luttent contre les princes. Leur mission en général ne se restreint pas à une affaire déterminée, ils représentent l'autorité pontificale dans sa plénitude. En 1077, Grégoire VII écrit aux habitants de la Narbonnaise, de la Gascogne et de l'Espagne, en leur envoyant comme légat l'évêque Amatus. Nous vous ordonnons, par notre autorité apostolique, de le recevoir comme vous nous recevriez nous-mêmes, ou plutôt comme vous recevriez Saint-Pierre, de lui obéir en toutes choses, d'écouter ses paroles comme les oracles de notre voix même. Le légat du pape, dit-il dans les Dictatus, même s'il est d'ordre inférieur, a le pas sur tous les évêques dans les conciles, et il peut prononcer contre eux une sentence de déposition. C'est qu'en effet, il les choisit à sa guise, sans tenir compte de la hiérarchie, et souvent un simple moine fera la loi aux évêques. L'archevêque de Reims, Manassès, en 1078, demande au moins que le pape ne désigne que des clercs romains. Mais Grégoire VII refuse, s'appuyant sur la tradition, d'apporter aucune restriction à la liberté de son choix. Aussi, la mission des légats est-elle difficile, dangereuse même. Grégoire VII oblige les évêques à jurer qu'ils les respecteront. « Je traiterai le légat romain avec honneur à l'aller et au retour, et je l'aiderai quand cela sera nécessaire. » Doivent-ils se rendre en Allemagne ? L'anathème est prononcé contre ceux qui, par des intrigues ou des violences, les empêcheraient de travailler au rétablissement de la concorde dans le royaume. En France, l'évêque de Mâcon n'a pas obéi à l'évêque d'Albano, légat du pape. Grégoire VII l'en blâme. Même si le légat avait voulu t'imposer quelques mesures irréfléchies, ce que nous ne croyons pas, tu aurais dû le supporter par respect pour le siège apostolique. Mais s'il confie à ses légats des pouvoirs étendus, il leur recommande la modération, il révise leur sentence, en un mot, il surveille à son tour ceux qu'il charge de surveiller la société chrétienne. Grégoire VII n'a porté en apparence aucune atteinte à l'institution des conciles et des synodes. Il y voit même un des instruments les plus sûrs de sa politique. Les synodes romains sont fréquents sous les pontificats pendant lesquels il dirige l'Église. On y condamne le clergé simoniaque et concubinaire. Quelquefois, on s'y occupe du dogme. En 1059, sous Nicolas II, un synode romain condamne Béranger, qui, dans une lutte célèbre contre l'Anfranc, a rejeté la présence réelle et ne veut voir dans l'Eucharistie qu'un symbole. Hildebrand avait déjà eu à s'occuper de cette controverse lors d'un voyage en France et d'un consul tenu à Tours. Devenu pape, il multiplie ses assemblées. Souvent, il en tient une chaque année au commencement du carême, parfois une autre à la Toussaint. Il désire que l'assistance y soit nombreuse. Il profite de ses réunions pour donner plus de solennité à ses déclarations et à ses actes. Mais, à vrai dire, lui seul y est en scène, dirige, décide. Les évêques qui l'y entourent sont là non point pour délibérer, mais pour écouter le pape, pour s'inspirer de sa politique, recevoir ses instructions. Les revenus du Saint-Siège. On ne gouverne point sans argent. Grégoire VII a donc dû se préoccuper d'accroître les ressources financières de la papauté et de les bien administrer. Depuis longtemps, Saint-Pierre possède de nombreuses terres, des patrimoines. Le pape, son représentant, en cède la jouissance, moyennant une redevance, un cens. En outre, de même que les petits propriétaires se recommandaient, eux et leurs biens, à de puissants seigneurs, depuis le IXe siècle surtout, bien des églises, bien des monastères, ont eu l'idée de se recommander à Saint-Pierre, c'est-à-dire de se placer sous le patronage de la papauté. Par cet acte, l'apôtre devient souvent le propriétaire éminent des terres de l'église, du monastère, mais il n'en a ni la jouissance, ni la libre disposition. Toutefois, affranchi de toute puissance humaine, défendu contre toute attaque par l'anathème apostolique, le monastère, ou l'église, reconnaît cette protection par le paiement d'un cens annuel. Il arrive encore que le patronage se restreint à une simple protection qui n'implique aucune propriété, mais qui comporte la redevance. C'est souvent le cas en Allemagne. Sous ses formes diverses, cette pratique s'est répandue en France, en Bourgogne, en Germanie, en Italie. Grégoire VII fortifia cette institution. D'une part, il y voyait un moyen d'étendre son autorité, de diminuer l'action des évêques sur les monastères pour les soumettre plus directement au Saint-Siège. D'autre part, il y trouvait une source féconde de revenus. Ce n'était point seulement des établissements ecclésiastiques, mais des villes, des seigneurs, jusqu'à des rois, qui figuraient parmi les censiers de l'Église romaine. En 1085, Pierre, comte de Substantion et de Melgueil, cède toutes ses terres en pleine propriété à Grégoire VII et à ses successeurs, pour les recevoir ensuite à titre d'usufruit, moyennant un cens annuel d'une once d'or. L'usufruit n'est du reste pas viagé, mais les héritiers de ce Pierre seront tenus de payer la même redevance. Le pape devient ainsi, comme on l'a remarqué avec justesse, un véritable suzerain à qui l'on doit l'hommage et le cens, et le domaine qui lui est cédé prend les caractères d'un fief. En 1059, Robert Guiscard a fait hommage au Saint-Siège de ses possessions dans le sud de l'Italie, de ses futures conquêtes en Sicile, et il a promis de payer chaque année une rente de 12 deniers par paire de bœufs. Au milieu du XIe siècle, Ramir, roi d'Aragon, a offert ses états à Saint-Pierre moyennant un cens annuel. Grégoire VII, d'ailleurs, se fondant sans doute sur la fausse donation de Constantin, estime que l'Espagne entière est propriété de Saint-Pierre. À la même époque, les rois de Pologne, de Danemark, d'Angleterre, le duc de Bohême étaient au nombre des censiers du Saint-Siège. Démétrius, duc de Croatie et de Dalmatie, couronné roi par un légat pontifical en 1076, promet de payer chaque année 2 cens bezants. Ces redevances sont connues sous le nom de deniers de Saint-Pierre. À ces ressources s'en joignaient d'autres. Toutes étaient centralisées au palais du Latran, dans la Camera Pontificale. Au temps de son archidiaconat, Hildebrande avait été économe de l'Église romaine, et il avait cherché à réorganiser l'administration financière, à faire rentrer régulièrement les redevances. Devenu pape, il continue à s'en occuper. Pour chaque censier, un personnage ecclésiastique de la région est chargé de la perception. Le droit canonique. À ce gouvernement, il faut aussi un code. Il existait avant Grégoire VII. Il comprenait les canons des conciles, les décrétales des papes. Ces matériaux, falsifiés, mêlés à des pièces apocryphes, avaient formé au IXe siècle le célèbre recueil des fausses décrétales, dont l'origine et le but ont été l'objet de tant de discussions et qui, d'après les recherches les plus récentes, semblent avoir été fabriquées dans l'église du Mans. Grégoire VII s'en sert, comme ses contemporains, et on n'a aucune raison de croire qu'il en suspecta l'authenticité. Mais il voulait un recueil qui fût mieux modelé sur sa politique. D'après une note qui se trouve dans un manuscrit du XIIIe siècle, ce serait sur son ordre qu'Anselme de Luc composa sa Collectio Canonum en 13 livres, qui ne date, il est vrai, que de 1087. Les matières y sont disposées de façon à bien mettre en relief le pouvoir absolu du pape dans l'Église. Les deux premiers livres traitent de la primauté et de l'excellence de l'Église romaine et de la liberté d'en appeler à elle. Ce fut aussi sous le pontificat de Grégoire VII que Dieu le dit, nommé cardinal par lui, prépara sa Collectio Canonum qu'il dédia à Victor III. Ainsi qu'il le dit dans sa préface, il écrit « Afin de faire connaître à ceux qui l'ignorent le privilège d'autorité de l'Église romaine, par lequel elle domine tout le monde chrétien. » Et il n'hésite pas à déclarer que les pères de Nicée ont établi que les conciles ne devaient pas se tenir, que les évêques ne devaient pas être condamnés sans l'avis du pape, que toutes les affaires importantes devaient être déférées à son jugement. Si les rédacteurs de ces collections ne forgent pas en entier de nouvelles pièces, ils se servent de celles qui ont été fabriquées avant eux, et ça et là, un mot substitué à un autre change une proposition, transfère au pape l'autorité qui était attribuée au concile. Grégoire VII lui-même interprète les textes avec une singulière liberté afin de les plier à ses théories. Il est juste d'ajouter que ses adversaires en faisaient autant. C'est ainsi que Grégoire VII s'est efforcé de fonder dans l'Église ce que l'on peut appeler la monarchie absolue. Pour y arriver, il n'a point affecté de la bouleverser, il s'est donné comme le représentant des anciennes traditions. Il n'a créé aucune institution nouvelle, ainsi qu'il le déclare volontiers, mais il a rattaché directement à lui toutes celles qui existaient. Il les a marquées de l'empreinte pontificale. Désormais, la vie locale des églises s'efface. Les évêques ne doivent plus être que les serviteurs dociles de Rome et les fonctionnaires d'une administration centrale qui entend tout régler, tout gouverner elle-même. On verra quelles furent pour l'Église les conséquences d'une telle transformation, mais on doit reconnaître la grandeur de l'entreprise. Grégoire VII, du reste, était sincère, et sa politique, qui poursuivait l'unité de pouvoir dans la société chrétienne, s'accordait avec les conceptions du Moyen Âge. Fin de la section 7.